Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphresne. Les vertus sont source de perversion, de frustration et par voie de conséquence de crime. Répète-t-on peut-être à l'envi au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, à vouloir être vertueux, à poser des digues d'interdit devant l'océan des pulsions. La morale catholique inflige à ses membres consacrés un état de schizophrénie qui explique bien des dérives. Cette rhétorique se banalise. La recherche du bien devient contre nature et la banalisation du mal dilue tous les repères et noie l'âme ainsi qu'elle embourbe le corps. De quoi parle-t-on en fait quand on parle de vertu ? On a le sentiment aujourd'hui de parler de choses impossibles, inaccessibles. Celles-ci d'ailleurs ne sont pas le monopole du christianisme, puisque Jacqueline Kellen revisite celle que nous a léguée la Grèce antique. Il y en a quatre précisément qu'elle explore : la force, la prudence, la tempérance et la justice. Au-delà des mots, qu'est-ce qu'on peut mettre comme réalité derrière ça ? Et au lieu de cadenasser peut-être notre quotidien avec des lois anti-ceci, anti-cela, ne songe-t-on pas que le monde se porterait mieux si chacun s'y référait, si chacun commençait par cultiver son jardin intérieur ? Bonjour Jacqueline Kellen. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer tout d'abord la distinction qu'il y a entre vertu et valeur ? Valeur étant un mot que l'on cite de manière incantatoire, permanente, dans l'espace médiatique et républicain. Exactement. Je ne suis pas sûre que les vertus soient souvent évoquées ou invoquées, à la fois dans l'espace public et, je pense, par les prêtres, malheureusement. Mais sans arrêt, on entend les valeurs, j'ai des valeurs, les valeurs de tel parti, les valeurs de tel groupe, sans d'ailleurs les préciser plus exactement. Alors, il me semble que ces valeurs... Comme si tout le monde savait de quoi il s'agissait. Oui, il y a une sorte de référence vague et floue. Je pense en premier à la démocratie qui est invoquée, la démocratie, la tolérance, le fameux vivre ensemble. Or, comment vivre ensemble si on ne pratique pas justement les vertus ? Je pense qu'il y a, vous parliez tout à l'heure de Stéphane Hessel, vous savez qu'il y a eu un grand succès avec ce livre et qui est tout à fait pour moi porteur de ces fameuses valeurs, à savoir politiques, écologiques, donc la solidarité, etc. Et les valeurs définissent en effet des références terrestres, l'homme dans sa condition terrestre, qui est une réalité, et ces valeurs sont collectives, non pas individuelles, elles ont pour but de rassembler un peuple, un groupe, des citoyens, elles sont nécessairement fluctuantes. Elles sont sur le plan horizontal, donc les valeurs sont relatives. Vous évoquiez aussi tout à l'heure les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont relativement récents et ils ne sont pas pratiqués dans tous les pays. Donc cela fluctue. Donc se référer à des valeurs, c'est en effet se vouer au provisoire, au changeant, ça regroupe, en effet, c'est collectif. À l'indétermination, en fait. Donc ça va, ça vient, alors que les vertus, elles sont d'ordre immuable. On dit la vertu dans le monde occidental et grec et chrétien, mais par exemple le taoïsme, dont le nom, il y a le dao pour le taoïsme, c'est la vertu, l'excellence de l'être humain, pour le bouddhisme c'est le dharma. Donc la morale, ce n'est pas ce qui est permis ou défendu dans un groupe, une société, ça c'est la loi au sens où si je peux détourner la loi, etc. C'est actuellement le conflit qu'il y a souvent entre le légal et le moral, et la morale sur le plan personnel, singulier, ça demande que chacun, chaque citoyen, qu'il croit au ciel, qu'il n'y croit pas, s'exerce à être meilleur. C'est comme si de nos jours, on avait tout, quelqu'un qui naissait avait dans son berceau toutes les qualités et on n'avait plus qu'à gérer notre petit trésor, donc à se faire du bien, à développer son bien-être, à se faire plaisir, etc. Alors que la vertu, en effet, tend vers le meilleur de l'être humain, ça désigne pour moi la vertu, la grandeur possible de l'être humain, l'excellence de l'être humain, ce désir d'être plus grand, de se dépasser. Enfin, tous les termes, en effet, qui ne sont plus guère utilisés de nos jours. Je vois que vous riez parce que c'est comme si la vertu datait de Mathusalem, alors qu'elle est en effet immuable. Sous tous les climats et à travers siècles, un être vertueux qui pratique les vertus sera le même. Donc elle ne se périme pas. Elle ne se périme pas, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en parle guère, puisque nous sommes hélas que dans le l'impermanent, le provisoire, le court terme, alors qu'il y a cette dimension intemporelle, le bien, le beau, le vrai, auquel Platon, Socrate faisaient référence. Et il y a cette référence, en effet, à des réalités qui ne changent pas. Mais Jacqueline Kellen, ça veut dire que la vertu porte un jugement, et puisqu'elle s'oppose au vice. Oui, alors ce fameux grand combat. Alors que les valeurs, oui. les valeurs, c'est mou, c'est flou, mais totalement. Et c'est tout à fait caractéristique. C'est plus de inclusif. Notre en fait, les valeurs sont inclusives, les vertus ne le sont pas. C'est ça, inclusif sans les définir. On est dans le flou total, et c'est là qu'il faudrait en effet pratiquer une des grandes vertus, de ces quatre grandes vertus qui édifient un être humain, à savoir, c'est la prudence. La prudence qui est le discernement, la sagacité, la réflexion, vertu intellectuelle par excellence. Mais les valeurs, c'est totalement flou. Donc tout le monde peut s'y reconnaître sans jamais y trouver une place véritable. Encore une fois, la vertu se demande un effort personnel. Ce n'est pas d'ordre collectif, mais en effet, la société peut en recueillir les fruits. Parce mais que à quoi si bon À quoi bon, Jacqueline Kellen, l'effort personnel, l'effort sur soi, alors que tout m'incite à me goinfrer. Oui. En fait, pour faire court. Oui. À consommer alors, au maximum, ça c'est tout à fait, en profiter, voilà, etc. Voilà, vous définissez tout à fait la position, j'allais dire, qu'on soit pauvre ou riche, d'ailleurs. Hein, cynique, en effet, pourquoi si tout le monde agit de mauvaise façon? Pourquoi moi? Ben justement, alors c'est ce qu'on appelle la dignité humaine. Actuellement, on ne parle que des droits de l'homme. Or, c'est très bien que chaque être humain bénéficie de droits, mais ce n'est pas parce que je bénéficie de droits que je suis digne et noble et grand. Voilà. C'est la différence. Donc, le sens de la dignité humaine, c'est même si tout le monde fait ceci ou cela, moi-même, au nom d'un esprit supérieur, d'une réalité supérieure, je ne me comporterai pas ainsi. Et je me démarque donc, en effet, du collectif. Et j'aime bien me démarquer avec vous, Jacqueline Kellen, précisément. Vous qui êtes écrivain aussi, conférencière, vous avez un public qui est sensible à toutes ces thématiques. Là, je reviens sur un terrain, on va revenir aux vertus. Mais en soi, vous sentez que dans une partie de l'opinion, il y a une résonance, quelles que soient d'ailleurs les options politiques auxquelles on se rattache. Tout à fait. J'espère avoir une parole libre et je ne fais que témoigner de ce qui me fait vivre. La référence à une transcendance, à une réalité supérieure, qu'elle soit liée à la philosophie antique, dont nous sommes en Europe les héritiers, ou qu'elle soit bien sûr liée au christianisme, cette transcendance est totalement évacuée. Nous sommes que dans un monde où, horizontal, où il n'y a rien au bout, il n'y a rien au-dessus. Donc, on reste dans notre prison terrestre, dans notre condition humaine, en effet, limitée, avec des joies aussi, et des épreuves. Et à ce moment-là, le seul objectif, c'est soit le pouvoir d'achat, soit se faire du bien. Et actuellement, soit la dépression à la Houellebecq. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Donc, ce fameux bonheur, cette idéologie du bonheur, je ne suis pas la seule et la première à le dénoncer, cette idéologie totalement illusoire du bonheur, parce qu'il n'y a rien de plus, et de l'instant présent également, ça va ensemble. On se berce d'illusions et les citoyens n'en sont pas plus heureux. C'est ça la question. Donc, d'être uniquement plongé dans cette dimension sociale, matérielle, soi-disant du bien-être, montre une impasse totale. Mais il est certain que, et à ce moment-là, ceux qui ont soif d'autre chose, qui sentent bien qu'il y a un désir d'éternité, qui n'est pas réduit au durable, ce désir d'éternité, cette vocation supérieure de l'être humain, en effet, ne se retrouve pas vraiment dans ce qu'on leur propose. Alors moi, je suis contente parce qu'en effet, j'ai des lecteurs ou des personnes qui m'écrivent beaucoup. J'ai un public, en effet, fidèle et qui ont soif, en effet, d'entendre parler de perfection, par exemple, d'effort, d'exigence, d'assaise. Ce n'est pas triste parce que c'est la grandeur et la liberté de l'être humain. L'Éden, le jardin d'Éden. C'est amusant de considérer d'ailleurs que le royaume est un jardin. Alors le jardin des vertus, on va en parler, on va le cultiver. Pour vous, il est essentiel donc d'exercer ces vertus pour, vous l'avez dit, devenir meilleur. On va retracer votre itinéraire en quelques mots avec Marion Duchesne. Il faut défricher les terres, planter et faire fleurir. La métaphore n'est pas anodine pour Jacqueline Kellen qui, petite, vivait avec les chats, les fleurs, les rêves et les poètes. Une enfance solitaire et sauvage, passée au milieu des livres. À 5 ans, j'annotais mes babas, raconte Jacqueline Kellen. Et déjà cette passion de la connaissance pour celle qui choisit naturellement les études supérieures de lettres classiques, latin et grec à la Sorbonne, où elle a pour professeur Jacqueline de Romilly. Elle découvre Ulysse, Orphée, Mélusine et bientôt Tristan et Iseut, tous ceux qu'elle surnomme les passeurs de sagesse. Si je suis née au XXe siècle, je me sens du XIIe, le siècle des cathédrales, souligne Jacqueline Kellen, de l'amour chanté et courtois, le siècle du cantique des cantiques. Dans les années 80, elle rejoint France Culture en tant que productrice d'émissions 20 années d'interviews et de rencontres pour celle qui voue un culte à l'amitié. C'est l'un de mes traits de caractère, mais plus que tout, je suis attachée à ma liberté. Élevée dans la religion catholique, Jacqueline Kellen dit être habitée depuis toute petite, par le sentiment d'une présence mystérieuse et invisible qui entoure tout de manière inéluctable et irréfutable. Avec le temps, et pour se libérer de la fièvre et de l'angoisse occidentale, cette éprise d'absolu s'est donc nourrie des mystiques, égyptiens, tibétains, chrétiens, juifs, indiens et soufis. Tous parlent de cette même pointe fine, de l'amour fou pour Dieu, répète Jacqueline Kellen, de vaillance au milieu des blessures, des souffrances et des épreuves. C'est justement ce qu'elle cherche à partager à travers la quarantaine d'ouvrages qu'elle a écrits, mais aussi avec ses séminaire sur les richesses de la vie intérieure. Et Jacqueline Kellen de conclure, je crois à l'esprit qui souffle où il veut et guide le chemin. Portrait signé Marion Duchesne. Alors Jacqueline Kellen, j'ai plusieurs points de ce portrait que je voudrais reprendre. Le premier, oui. D'abord les séminaires sur les richesses de la vie intérieure. Comment ça se passe ? Ça se passe. Alors, je propose un thème. À vrai dire, ce n'est pas moi qui démarre. On me demande, ici ou là. Donc, ça peut être des associations religieuses ou laïques, ou des personnes indépendantes qui aiment ce que j'écris et qui me demandent d'intervenir en tel ou tel lieu, France, Suisse, Belgique. Et je propose des thèmes de réflexion, que ce soit la beauté, la solitude, ou alors c'est l'hospitalité, ou alors c'est le secret, ou alors c'est un travail sur un texte particulier comme le fameux Conte du Graal de Chrétien de Troyes du XIIe siècle. Et je propose, je me fonde avant tout sur les mythes que je connais bien, ou alors des récits bibliques, et à ce moment-là, il y a un échange, donc c'est un questionnement. C'est un questionnement sur ce qui nous fait vivre aussi et pour accroître sa connaissance. Ça n'a pas du tout un sens de... c'est bien sûr ni thérapeutique et on ne gagne rien en bien-être, etc. Mais j'espère qu'on se questionne et qu'on se nourrit et qu'on avance en connaissance. Vous avez des entreprises qui recourent à ce type Alors, de les prestations ? Les entreprises, non, ne me font pas signe. Mais je vous dis, c'est absolument... c'est très varié. Parce qu'on pourrait imaginer que ce soit intégré dans une logique de ce qu'on appelle le management aujourd'hui, après tout, les vertus ou... Oui, mais la question... Je ne connais pas le monde de l'entreprise, mais je me demande, parce que c'est gratuit, au sens acquérir plus de connaissances, aller plus en profondeur dans ce que l'on vit, trouver une signification profonde à sa démarche. Mais justement, Jacqueline Kellen, toute l'astuce du management, si je puis dire, c'est de faire intérioriser par le salarié la logique vertueuse qui va l'amener à être plus rentable. Alors, voyez, peut-être je suis un et peu... pas par la contrainte. Oui, mais la vertu, comme tous les biens essentiels, la vertu ne rapporte pas. Ce n'est pas une valeur marchande. C'est pour ça que je me demande... moi, je trouve magnifique que des personnes viennent, passent 2 jours à se questionner, à s'interroger, à échanger sur des thèmes importants qui nous font vivre. Mais c'est gratuit. C'est ça qui est merveilleux dans la démarche vertueuse. C'est une démarche personnelle pour... sortir de la vie plus grand qu'on y est entré. Ça, c'est le fameux, la fameuse phrase de Solzhenitsyn dans le discours de Harvard en 1978. Sortir de la vie plus grand qu'on y est entré. Plus grand, ce n'est pas spécialement passé à la télévision, mais intérieurement, en effet, l'homme passe infiniment l'homme, hein, disait Blaise Pascal, c'est la même chose. C'est faire de sa vie, en effet, un jardin qui prospère, et pas simplement pour soi, mais qui apporte à tous les autres, en effet, de quoi vivre, se nourrir et continuer. La question qu'on a posée ce matin, à laquelle vous pouvez répondre sur les réseaux sociaux, internet, vous m'écrivez aussi louis.dauphren@notre-dame.com si vous le souhaitez, c'est une question évidemment qui va vous déplaire. La vertu est-elle dangereuse? Alors j'ai choisi cette question parce que il y a eu des dictateurs de la vertu. Il y a aussi Robespierre, par exemple, était un dictateur de la vertu. Vous avez des sectes protestantes qui ont aussi voulu cadenasser les mœurs par la vertu. Et l'Église se voit largement reprocher cette volonté de monopoliser la conscience des gens en balisant cette conscience d'interdit. Qu'est-ce que vous dites ça ? Oui, une chose, et c'est comme aussi les régimes totalitaires qui imposent insidieusement aussi le bonheur. C'est absolument la même chose. La vertu ne vient pas de l'extérieur, c'est pas un décret, vous êtes obligé de, en effet, parce que c'est une exigence intérieure. C'est une exigence intérieure. Personne ne peut me l'imposer. Si c'est une contrainte, une obligation venue d'en haut ou de l'extérieur, d'en haut au sens humain du terme... Mais il faut bien l'enseigner, il faut bien que vous ayez l'idée que le concept vous arrive, que vous l'appropriez. S'enseigner, oui. Alors, je suis étonnée que dans notre système éducatif, dans l'éducation nationale, il n'y ait pas cet enseignement des vertus avec incitation à les pratiquer, à les exercer. C'est une morale laïque. On n'est pas obligé d'être chrétien, juif, musulman pour pratiquer la vertu. C'est le béaba, c'est l'édification de l'être humain. Donc ça, c'est une chose. Mais l'enseignement, ce n'est pas une obligation d'être... Et qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, être vertueux à ce moment-là où l'ordre moral, ça veut dire qu'il y a une sorte de contrainte sur l'être humain. La vertu, c'est ce qui me révèle mon immense liberté. Et donc c'est extra, c'est à l'opposé de toute injonction ou exhortation venant d'instances supérieures, d'instances temporelles supérieures. C'est vraiment une exigence personnelle. Et si je n'ai pas cette aspiration, ce goût, encore une fois de la vérité, ce désir de beauté, de bonté, de justice, si je n'aspire pas à ça, eh bien, alors là la question se pose, moi, elle paraît un peu abrupte, si je n'ai pas cette soif de vie morale, c'est-à-dire de vertu, de grandeur, de bon, de bien, de vrai, suis-je un être humain? Ça, c'est une question qui fâche. Vous, c'est ce qui qualifie en fait le degré d'humanité. C'est cette forme Exactement. De sensibilité qui va vous permettre de dire, tiens, à partir de ce niveau de vie intérieure ou de maîtrise de ma vie intérieure, j'accède à une humanité où je n'y accède pas si j'y renonce. Oui, je pense là, mais ça on n'en parle pas de nos jours parce que ce n'est pas très agréable à entendre. Mais ça veut dire que c'est quand même très élitiste, Jacqueline Kellen. Non, ce n'est pas élitiste. Non, c'est la moindre des choses, si on est un être humain. Mais alors pourquoi, et sans remonter, si on peut remonter à la préhistoire, pourquoi depuis au moins Sumer, donc 4000 ans avant Jésus-Christ, pourquoi, à quoi aboutit la civilisation? Ce qu'on appelle, on se targue d'être civilisé. Non, d'ailleurs, on n'en parle plus, on parle de culture actuellement. Parce que la civilisation inclut nécessairement une religion. Donc vous avez remarqué, on ne parle plus de civilisation. C'est vrai, c'est un mot en déclin. On parle de culture. Mais oui, parce que la culture évacue la notion de religion. Il n'y a pas, et ça Malraux, qui n'est pas ni chrétien ni religieux, qui est un grand, grand chercheur et un agnostique, Malraux parle toujours de civilisation. Et il rappelle en effet que sans cette dimension d'absolu, sans cette référence à l'absolu, en effet, l'être humain est très peu de choses. Enfin, il est voué en effet à être définitivement mortel, le commun des mortels. Jacqueline Donc ce n'est Kellen. Pas élitiste. Non, ce n'est pas élitiste, c'est la moindre des choses. On le retrouve dans, justement, des civilisations différentes. Quand Marion Duchesne a dit tout à l'heure, tous parlent de cette même pointe fine de l'amour fou pour Dieu, que ce soit les Égyptiens, les Tibétains, les chrétiens, les Juifs, les Indiens, les Soufis. Aujourd'hui, il y aurait donc un langage commun à toutes ces composantes qui ne se connaissent pas forcément de notre monde, mais qui pourraient partager à cet échelon, non pas des religions, mais des vertus, un langage commun. Alors, le langage commun serait le langage de Babel. Hein, en fait, ça veut dire les religions divisent, mais pas les vertus. C'est ça que je sous-entends. Bien sûr. Les religions sont. Enfin, si elles se contentent de l'extériorité, du formalisme ou de l'exotérisme, en effet, les religions sont nécessairement amenées à se combattre ou à se comparer, ce qui revient à peu près au même, à entrer en conflit. En ce sens, le dialogue des religions peut en effet être un vœu pieux. Ce n'est pas votre truc, ça, le dialogue des religions. Non, parce que je pense que... Enfin, non. C'est très louable comme démarche, mais plus je vais vers l'intérieur, la profondeur, plus chacun va vers l'intérieur et la profondeur, c'est-à-dire vers la hauteur, hein, c'est la même chose, plus en effet le langage qui se passe à ce moment-là des mots est le même. Les mystiques, en effet, de tout pays et de toute civilisation et de tout siècle disent la même chose dans le plus grand silence ou dans le plus haut chant, mais ce n'est plus le langage commun, c'est le langage de la fine pointe de l'âme, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'esprit ou le cœur, qui est le lieu du divin, quel que soit le terme dont on appelle Dieu, réalité supérieure, absolue, idéale, l'un, l'être, voilà. Donc la question n'est pas langage commun au sens rapetissé ou du moins égalisé, nivelé les êtres, mais les inciter toujours à aller vers le plus haut d'eux-mêmes. Est-ce que personne n'a envie d'aller vers le plus beau de soi? Est-ce que personne ne ressent, il y a quand même des expériences dans la vie où on se sent infiniment dépassé notre condition limitée et mortelle? Mais le Tibétain et le Soufi, le Juif et l'Égyptien peuvent dialoguer. Mais j'espère bien. Ça, vous avez. Mais oui. Vous organisez peut-être des séminaires dialoguer, entre eux. Non, parce que moi, je ne sais pas. Je pense que si on a part, tout à l'heure, vous évoquiez ce royaume ou ce jardin, alors il y a plein d'images pour évoquer le paradis, le jardin, le lieu éternel. Je crois que dans ce jardin, on n'arrivera pas parce que, voilà, je donne mon passeport de bon musulman ou juif ou chrétien, etc. C'est parce que notre conscience aura été éveillée et parce que, en effet, nous aurons fait fructifier notre jardin. Ça, c'est ce sens du perfectionnement qui me paraît oublié de nos jours. Enfin, même parce que... Il n'est pas oublié, il est totalement aujourd'hui, enfin, à ma ravagé. Connaissance, en tout cas dans l'espace public, oui. on entend, ou l'espace médiatique, c'est rarissime qu'on ait une parole sur ces questions-là. Est-ce que ça invalide, Jacqueline Kellen, avant de se quitter pour les infos, est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine façon, le langage poétique et le langage mystique qui, aujourd'hui, peuvent, je mets des guillemets, sauver l'Église de ce qu'elle connaît aujourd'hui par rapport à un langage institutionnel qui passe mal? Est-ce que la poésie et la mystique ne sont pas finalement des portes de salut, dans la mesure où on voit que peut-être les ordres religieux en tant que tels sont peut-être moins touchés que ne le sont les hauts prélats d'un système, etc. Eh oui, hélas, souvent, enfin l'Église, enfin en tout cas celle que je connais la mieux, l'Église chrétienne, croit être dans l'air du temps, au lieu d'être dans le souffle de l'esprit, croit être dans l'air du temps en parlant des mêmes choses dont on parle dans le temporel, ce qui est important. Mais quelqu'un qui va à l'église, ce n'est pas pour entendre les mêmes choses qu'il entend à la télévision ou à la radio dans les communications profanes. Donc vous il y a cette parole supérieure qui est attendue. Jacqueline Kellen, dans quelques minutes. Le grand témoin, la rediffusion. Jacqueline Kellen est écrivain et on va jardiner ce matin. Le jardin des vertus, précisément, c'est sans doute peut-être une réponse à ce que nous connaissons aujourd'hui de l'actualité quelque peu saumâtre dans laquelle trempent les hauts prélats de l'Église. Après tout, nous sommes renvoyés à notre vie intérieure, à notre capacité à être meilleurs par nous-mêmes. Alors peut-être que les catholiques y ajouteront le souffle, l'esprit, la grâce, etc. La mais grâce vous, vous avez Dieu, voulu oui. analyser déjà les vertus telles que les Grecs les ont enseignées. Jacqueline Kellen, je vous voyais simplement une petite entorse avec l'actualité. Je vous voyais réagir lorsque Alban Barthélémy parlait du hijab, décathlon, etc. Les femmes, ça vous paraît être... C'est un signe religieux, c'est un signe de présence communautaire. Comment l'interprétez-vous? Je trouve que c'est une façon d'exploiter cyniquement, enfin de créer du conflit, c'est évident. C'est évident que le fait de commercialiser après, pourquoi pas, enfin, la kippa de sport ou je ne sais quoi, enfin, c'est tout à fait, enfin, moi je trouve que c'est vraiment jeter de l'huile sur le feu. Mais n'est-ce pas contradictoire avec votre propos qui tendrait à considérer que finalement, s'il y a des signes religieux dans l'espace public, après tout, pourquoi pas ? C'est une façon aussi de prendre sur soi une forme de responsabilité à l'égard d'un héritage. Alors à ce moment-là, que Decathlon, en effet, propose des t-shirts avec la croix, etc. Donc là, c'est vraiment une façon... Après, c'est le rapport à la demande. Hein. Oui, mais c'est une façon vraiment de, je pense, de créer du conflit au lieu d'apaiser. On a besoin actuellement d'apaisement. Et là, au lieu de, d'apaiser, en effet, ils mettent en avant, ils pointent en avant, en effet, un signe musulman qui va créer, en effet, du désordre. Donc, c'est très bien qu'ils retirent cet objet. Alors, je pose la question aussi, Jacqueline Kellen, parce que en se parlant, on s'aperçoit que les notions de bien-être, etc., de bien tout court, sont rattachées exclusivement à la consommation. C'est-à-dire que dans la mesure où vous faites plaisir... Consommation égoïste. Égoïste. Et évidemment, la vertu se situe à l'opposé de tout cela. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Je vais citer Shakespeare que vous mentionnez. « Il dépend de nous-mêmes d'être d'une façon ou d'une autre. Notre corps est un jardin et notre volonté en est le jardinier. Voulons-nous y cultiver des orties ou y semer la laitue, y planter l'hysope ou encercler le thym, le garnir d'une seule espèce d'herbe ou d'un choix varié, le stériliser par la paresse ou l'engraisser par l'industrie ? Eh bien, le pouvoir de tout modifier souverainement est dans notre volonté. C'est Othello. » Voilà, vous avez des références qui ne sont pas exclusivement, loin de là, chrétiennes. Alors, c'est parce que la métaphore du jardin est très belle et on la trouve après, enfin, au même, à peu près à la même époque chez Thérèse d'Avila. Il s'agit de cultiver le jardin, non un jardin simplement plaisir, bien-être, etc. Ça veut dire qu'il faut de l'effort et de la volonté. Je trouve très important cette notion de volonté qu'on oublie, puisque là, on est plutôt dans le... on ne parle que dans, toujours dans les formules magiques, le lâcher prise... qui est le laisser aller, en fait, le lâcher prise, au lieu de parler du détachement. Le détachement, c'est une volonté forte. Et la vertu, il y a un terme très beau en français, c'est le terme « s'évertuer », qui vient de la vertu. La vertu exige que l'on s'évertue, que l'on fasse un effort. Et Shakespeare le rappelle, mais tous les tenants de la liberté, encore une fois, la vertu, ce n'est pas une obligation qui me contraint et qui me, qui m'emprisonne. Au contraire, la vertu, c'est ce qui me libère. C'est ça la merveille. C'est pour ça qu'elle est éminemment dynamique et joyeuse. Donc c'est l'inverse de l'esprit 68 ans. Totalement. Ce n'est pas le n'importe quoi. C'est une discipline personnelle pour créer, pour la liberté créatrice, dont parlerait ou Bergson ou Berdiaev. Mais c'est très écolo aujourd'hui, en fait. Vous pouvez avoir un retour de la vertu par le biais de l'écologie. Là, je ne vois pas trop le... Par la considération qu'on doit être en... Il y a un ordre qui est à respecter, aussi bien un ordre extérieur qu'un ordre intérieur. Oui, l'ordre, et que ça passe oui. par la discipline, une forme de discipline. Oui, mais avant de vouloir sauver la planète, encore faut-il soi-même être vertueux. C'est comme la paix dans le monde. Si soi-même on n'est pas en paix, c'est toujours la même chose. Par où commence-t-on ? On commence par édifier un être humain, faire bien l'homme et dûment, hein, disait Montaigne, c'est-à-dire pratiquer ces quatre vertus qui ont été... désignés par Platon en premier dans la République. Et ces quatre vertus sont essentielles. Reprises ensuite au IVe siècle par le christianisme, qui les a trouvées très intéressantes, on les voit, alors ce serait intéressant de voir... On a oublié aussi, vous évoquez le bien-être, etc. On oublie que, je vais dire une évidence, que la vie est un combat. Puisqu'on est là uniquement à se faire plaisir ou à profiter de je ne sais quoi d'ailleurs, la vie est un combat. Fais-toi plaisir, c'est le slogan. Voilà, faites-vous du bien et tous les magazines... Je trouve personnellement atroce cette expression, se faire plaisir. Abominable, non mais tous les magazines aussi qui pullulent sur la santé, le bien-être, etc. Et les gens ne sont pas plus heureux, enfin surtout en France, avec les tranquillisants que l'on avale. Mais que la vie est un combat, ce n'est pas prendre les armes, mais c'est ça l'ascèse personnelle. Et ce fameux combat des vices et des vertus, moi je trouve merveilleux. Allons voir que ce soit la cathédrale Notre-Dame de Paris, que ce soit à Amiens, à Chartres, dès que l'on, avant d'entrer plutôt, donc avant de pénétrer dans un espace saint, sacré, eh bien, on regarde ce qui se passe sur la façade qui nous est, qui nous fait face, à savoir le portail occidental. Et sur toutes les façades occidentales des cathédrales du XIIe, XIIIe siècle, vous avez non seulement bien sûr le Christ au centre qui est la voie et le chemin et la vie, mais vous avez ce qu'il faut faire d'abord pour pouvoir avoir peut-être une vie spirituelle. Et vous avez très souvent, non seulement alors les vertus représentées comme à Strasbourg, immense, mais vous avez ce fameux combat des vices et des vertus. C'est une merveille. Et bien sûr, il n'y a pas simplement les quatre grandes vertus cardinales, mais vous avez toutes sortes d'autres vertus, l'humilité, la patience, la douceur, etc. Et c'est joli. Alors là, les féministes ne le réclament pas, mais je leur dis quand même que les vertus sont traditionnellement, au XIIe siècle, au Moyen-Âge, représentées par des figures féminines. Pas simplement parce que la vertu est féminine comme genre, et le vice n'est pas masculin, je n'ai pas dit ça, mais il y a ces dames nobles ou ces vierges nobles qui sont représentées en majesté, à savoir assises la plupart du temps, puisque c'est la posture de autorité, de force intérieure, et qui montrent un emblème où elles ont un écu, enfin donc un bouclier, mmh, sur lequel est représenté leur symbole, donc la justice, la prudence, etc. Donc c'est bien, c'est édifiant. J'ai remarqué, par exemple, que il n'y a pas que les touristes, mais à Notre-Dame de Paris, tout le monde cherche à entrer. Non, avant d'entrer dans son intériorité, il faut déblayer, débroussailler, reprenant la métaphore du jardin, il faut arracher les mauvaises herbes, et puis, après, se purifier quelque peu, se corriger. Alors là aussi, c'est un terme dont on ne parle plus, parce que si on parle de corriger, c'est comme si on brandissait le fouet et je ne sais quel instrument de torture. Se corriger, connaître ses défauts et ses faiblesses, essayer d'y remédier, se relever, se redresser. Alors, je ne sais pas, est-ce que... c'est du jardinage. Propos, hein. Mais oui, mais est-ce que mes propos sont complètement... on va dire démodé. Non, c'est le plus beau de l'être humain. Les anciens, enfin les penseurs de l'Antiquité, parlaient d'une vie bonne ou du bonne vie, qui n'a rien à voir avec le bonheur actuel. Une vie bonne, c'est une vie qui tend à la sagesse, qui tend à la vertu. C'est exactement l'équivalent. Tout, absolument tous les philosophes de l'Antiquité, grecs et romains, qu'ils soient matérialistes, athées, il n'y en a pas beaucoup, mais comme Démocrite, par exemple, et Lucrèce, ou qu'ils soient idéalistes, on va dire, comme Socrate, Sénèque, Cicéron, etc., tous disent qu'est-ce qu'une vie bonne, qu'est-ce que le bonheur, même au sens ancien du terme, c'est une vie qui tend au meilleur de soi, c'est une vie qui tend à la sagesse. Et nous, le bonheur, on en a fait quelque chose d'égocentrique, de ridicule et de totalement illusoire. Un prix sur une étiquette. Ça marche encore, apparemment. Ouais. Jacqueline Kellen, donc la force, la prudence, la tempérance et la justice, les quatre vertus. Est-ce qu'on peut les esquisser? Oui, oui. Déjà, en donner une définition qui peut peut-être éveiller... Définition de chacune. Voilà. Oui. Alors, moi, j'ai choisi cette progression. D'autres, des théologiens les ont cités, les ont étudiés dans des ordres différents, rendant hommage au grand Aristote, parce que lui, son traité d'éthique à son fils Nicomaque est capital et facile à lire en plus, donc grâce soit rendue à Aristote. Moi j'ai choisi cette progression. La force inclut le courage, c'est tout sauf la violence, la brutalité. La force, c'est le courage, c'est la résistance, c'est la patience, c'est savoir endurer, savoir traverser des épreuves, savoir aussi être héroïque, lorsqu'on parle de vertus héroïques. La force est essentielle, hein, puisque ça veut dire que j'ai envie, en effet, de m'engager dans cette démarche de connaissance de moi et d'élévation. Donc le contraire de l'impulsivité, si on doit trouver oui, un... Non, le contraire de la lâcheté. Le contraire de la lâcheté. Et Dieu sait que aujourd'hui, donc, oh non, je ne m'implique pas. Non, moi, je pense comme les autres. Non, je déserte le combat. La lâcheté. À ce propos, donc le conformisme. C'est le contraire du conformisme aussi. Oui, la lâcheté, la peur, la frilosité, la pseudo-neutralité dans ceux qui ne risquent pas. Alors la vie est aussi une aventure magnifique, justement, le fait de risquer, d'oser, d'avancer, et ça équivaudrait aussi à la non-violence telle que l'a prêché, pratiqué Gandhi. Hein, Gandhi disait lui-même, il faut avoir beaucoup de courage pour renoncer à la violence. Hein. C'est cette force qui n'est pas brutal, c'est pas spécialement le coup d'éclat ou l'exploit héroïque, mais c'est la maîtrise de soi. Si c'est la maîtrise de soi, voilà la force intérieure, la fermeté d'âme, quelle belle expression. Alors ensuite, la prudence. La prudence est essentielle aussi, puisque alors c'est une vertu intellectuelle, comme l'appelle Aristote. La prudence, on comprend mal parce qu'on pense que c'est ne pas y aller. Vous savez un peu Sancho Panza par rapport à Don Quichotte. La prudence, c'est le discernement. Qui fait ô combien défaut. C'est l'inverse même du flou, de la confusion. Exercer sa prudence, c'est-à-dire ne pas foncer, mais réfléchir avant d'agir, prévoir. Alors, en ce sens, ce qu'on appelle de nos jours le principe de précaution illustre bien cette prudence. La prudence, c'est la sagacité, c'est prendre du recul, laisser reposer les choses pour mieux voir les événements ou prendre de la hauteur. Donc, ça veut dire que la morale n'est pas du tout l'affaire de bons sentiments, mais la morale demande qu'on exerce son intelligence et qu'on ne soit pas noyé dans l'émotionnel, qui est aussi un trait caractéristique de notre époque. L'émotionnel, c'est lié au psychique, donc c'est éternellement, si je puis dire éternellement, c'est mouvant et sans intérêt. C'est le trouble, c'est le mouvant. Donc, le discernement, c'est ce qui permet en effet de distinguer, de non pas séparer pour opposer, mais de distinguer les choses. Et c'est être rusé comme les serpents, de la parole d'évangile. Et d'ailleurs, la dame, la noble dame qui représente la prudence, porte sur le bouclier toujours une figure de serpent, c'est-à-dire le fameux serpent qui n'est pas rusé, mais qui est souple, mais qui sait voir les choses. Bon, distinguer les choses, voilà pour la prudence. La tempérance. La tempérance, oh, je pense que c'est la vertu la plus délaissée de nos jours. Vous évoquiez tout à l'heure l'avidité, le besoin d'acquérir, le besoin de, enfin même l'invasion du gros moi. Et la tempérance et la mesure. C'est l'invasion du gros moi, c'est de vous cette expression ? C'est amusant, je ne sais pas. Ouais. Non, mais parce qu'on est envahi, moi ça me donne la nausée, je vais vous dire au sens presque physique, qu'il ne soit question que moi, mes problèmes, mes histoires, etc. Et on encourage, une société ne peut qu'encourager ce moi, parce que, alors c'est flatteur, c'est flagorneur, et ça rapporte pour le coup, parce que le moi est consommateur. Le moi, le gros moi que dénoncent toutes les spiritualités. Hein, mais vraiment, le gros moi, c'est à la fois ce qu'il y a de plus mortel et périssable. Mais le gros moi veut durer, donc tout ce qui est sécurité, et le gros moi veut être flatté. Donc soyez beau, soyez pour qu'on vous aime, allez mieux, etc. Ça flatte le gros moi. En effet, on est totalement, c'est vraiment l'épidémie actuelle et redoutable. Donc la tempérance. La tempérance, en effet, modère, mesure et se met des propres limites, que ce soit dans ses instincts, ses passions et ses pulsions. Donc tout ce qu'on entend actuellement de débordement sur tous les plans, c'est parce qu'il n'y a pas cette vertu de tempérance qui amène à la douceur et à la paix aussi. La justice ? Et la justice, ce serait une sorte de couronnement. La justice n'est pas sur le plan social et légal. La justice, c'est qu'est-ce qu'un homme juste ? Qu'est-ce qu'un juste ? Qu'est-ce qu'un saint ? Il ne s'agit pas de justice au sens de l'égalité, mais le juste est celui qui veut se perfectionner sans cesse et qui, en ce sens, témoigne de la grandeur, la noblesse de l'humanité. Le juste chemin, c'est la rectitude, c'est l'intégrité. Le contraire serait la malhonnêteté, la fraude, le mensonge. Vous voyez tout ce que l'on connaît aussi de nos jours. Donc le juste est celui qui se tient debout ou celui qui marche avec Dieu, dirons-nous, comme Abraham. Bon, ben voilà, on est bien armé hein, avec ces quatre vertus. Alors qu'attendons-nous ? Qu'attendons-nous ? Allez, Alban Barthélémy, des questions, des remarques qui sont rattachées à votre réflexion, Jacqueline Kellen. Oui, ce matin, la question que l'on posait sur les réseaux sociaux, Louis, la vertu est-elle dangereuse ? Mais quelle vertu, se demande Martin. Si l'on parle de valeur visant à rendre l'individu meilleur, ce ne peut être que bon. Bien sûr, souligne-t-il sur Facebook, il est facile à ce compte de tomber dans un moralisme de bon teint. Comme catholique, dit-il, nous devrions d'ailleurs éviter de donner des leçons aux autres et commencer avant tout par nous corriger nous-mêmes. Et puis, Ludo vous interpelle, Madame Kellen, sur la confusion que vous auriez faite, selon lui, sur les mystiques. « Je ne doute pas, nous dit-il également sur Facebook, que la démarche authentique personnelle de prière ne puisse conduire qu'au vrai Dieu. En revanche, explique-t-il, la doctrine joue un rôle dans la prière car elle façonne l'image de Dieu et la relation qu'on a à lui. Or, les doctrines des religions sont différentes et contradictoires. Il ne peut y avoir convergence, souligne Ludo. » Alors c'est un point, vous voulez explorer ce point, Jacqueline Kellen, entre doctrine... Oui, sans entrer dans... Oui, et ce qui me paraît important... mystique. Oui, je vais dire, ce n'est pas me démarquer de cela, mais ce qui me semble aussi assez grave à l'heure actuelle, c'est qu'il y a plein de soi-disant démarches spirituelles qui ne sont rattachées à aucune tradition. Et là est le danger. Hein. Donc il y a plein de sectes ou de groupes qui prolifèrent se croyant spirituels. Et quand moi je pose la question, à quelle tradition vous référez-vous ? Là, non, c'est comme si c'est totalement dans le flou. Bon. Il est certain qu'il y a la maison qui se construit avec des échafaudages et des fondations extérieures. En effet, ce qu'on peut appeler la doctrine, la pratique, le culte, etc. Mais c'est l'écorce du fruit et l'amande est à l'intérieur. Et une religion qui n'est à ce moment-là que formaliste, doctrinale et exotérique, hein, extérieure, en effet, va amener des conflits. Mais plus s'il y a cette intériorité que propose, c'est en effet un éveil. Une religion est d'ordre initiatique au sens, elle éveille la conscience de chacun, elle éveille le cœur de chacun. C'est ça le sens, avec l'expérience vivante, irréfutable de la transcendance. Et dans cette intériorité-là, dans cet éveil de conscience, en effet, il n'y a plus de barrage. Je n'ai pas dit plus de différence, mais il n'y a plus de barrage. Quand je suis au centre, en effet, on n'a plus rien à dire. On communie vraiment. Il nous reste une minute, Jacqueline Kellen. Qu'est-ce que vous attendriez en un mot de l'Église catholique aujourd'hui dans la situation où elle est? Est-ce qu'il y a un conseil, une remarque à partir de votre inspiration qui est la vôtre? Alors moi je n'ai pas de conseil à donner, ça paraîtrait totalement prétentieux. Je dirais simplement aux prêtres dans leurs homélies. Ce sont encore des prêtres, enfin les pasteurs, heureusement qu'il y a des femmes qui parlent, parce que moi j'aimerais bien que ce soit des femmes qui donnent des homélies. Ça me paraît très important, parce que leur parole est très différente aussi. Qu'ils parlent en effet des réalités célestes, qu'ils nous parlent de la beauté, de la grandeur de Dieu, qu'ils nous parlent de l'amour, qu'ils citent en effet, qu'ils se réfèrent aux mystiques. C'est ça la ferveur, qu'ils nous incitent à la ferveur, à l'amour. Et en effet, c'est très dangereux parce Merci. Que... Merci d'avoir été avec nous, Jacqueline Kellen. On lira le Jardin des Vertus et je vous souhaite une excellente journée.